Ashrat ou Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فقد كفر بالقرآن. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد نواصل مع أشراط الساعة بحمد الله عز وجل on continue avec les signes de la fin des temps وبالله التوفيق رواه الإمام أحمد بسند صحيح صحح الحديث أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit Ne viendra pas l'heure avant que n'apparaisse الفحش والتفاحش On va détailler ce que veut dire الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة Et là, le lien de parenté qui seront coupés, donc le fait de rompre les liens de parenté, et le prophète a dit وسوء المجاورة le mauvais voisinage, c'est-à-dire ne viendra pas la fin des temps avant que n'apparaisse, ne soit de plus en plus répandu الفحش والتفاحش De façon générale, tu peux dire la turpitude ou le turpitude, tout ce qui concerne les turpitudes. Ensuite, le prophète a dit wa qati'atu rahim, c'est la rupture des liens de parenté. Wa su'ul mujawara, c'est le mauvais voisinage. Donc, l'heure ne viendra pas avant que ne soient répandues les turpitudes, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Et certes, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam huwa alladhi la yantiqu 'ani al-hawa. C'est lui qui ne parle pas poussé par sa passion. Et le fait de traiter les signes de la fin des temps ne font que renforcer la certitude du croyant quant aux paroles de son Seigneur tabaraka wa ta'ala et du messager Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le prophète alayhi salatu wassalam il y a plus de 14 siècles, il nous a rappelé que vers la fin des temps Ici apparaîtra, donc c'est-à-dire se répandra de plus en plus Al-Fuhsh wa Al-Tafahush قال ابن المنظور في اللسان العرب رحمه الله تعالى Al-Fuhsh wa Al-Tafahush هو, écoute bien ce qu'a dit ابن المنظور وغيره من أهل اللسان من أهل العرب Ici parmi les gens de la langue, les experts de la langue arabe, les savants de la langue arabe Ils ont dit que Al-Fuhsh wa Al-Tafahush désigné al-qabih min al-aqwal wal-af'al c'est tout ce qui était mauvais tant au niveau des paroles que des actions que du comportement que des moralités que du caractère c'est-à-dire les mauvaises paroles et les mauvais caractères les mauvaises moralités les mauvais comportements ça c'est al-fuhsh wat-tafahush et on va s'arrêter avec al-fuhsh wa al-tafahush avant d'aller plus loin c'est-à-dire avant de continuer avec wa qati'atu rahim wa su'ul mujawara c'est-à-dire en continuant avec par la suite bi'idnillah azza wa jal ou avant de continuer bi'idnillah azza wa jal avec la rupture des liens de parenté ce qui est répandu de plus en plus l'asaf al-shadid au jour d'aujourd'hui et c'est clair que c'est apparent d'accord et c'est de plus en plus répandu au jour d'aujourd'hui même chez les musulmans qati'atu rahim Et sous le mujawara, on va en parler aussi, ça fait partie des signes de la fin des temps, c'est-à-dire le mauvais voisinage. Al-fuhsh wa al-tafahush. D'accord? Ici, Ibn al-Mandur et d'autres ont dit que ça désignait, ici, les mauvaises paroles et les mauvaises actions, le mauvais caractère, les mauvaises moralités. Les mauvais comportements de façon générale, c'est-à-dire quelque part les turpitudes. Et ici, al-fahisha désigne quelquefois un type de mauvais comportement. Et il l'utilisait quelquefois pour désigner az-zina, la fornication. Mais ça ne veut pas dire, ici comme le dit Ibn al-Athir, ici ça c'est un type, d'accord, de al-fuhsh wa al-tafahush, d'accord, ou de al-fahsha. C'est un type de fahsha, de turpitude, c'est-à-dire az-zina. Donc quelquefois on utilise ici al-fahsha pour désigner az-zina, c'est-à-dire la fornication. Mais nous disons al-fahsha, ça ne veut pas dire que la fornication. Mais ici al-fahsha, c'est tout ce qui concerne les turpitudes. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière ici éloigne, d'accord? Donc éloigne qui? Le croyant qui prie. Donc il prie comme il se doit, avec sincérité, en se concentrant, en respectant sa prière. D'accord? C'est-à-dire en respectant sa prière, en faisant ses prières à leur heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc à ce moment-là, celui-là, bi'idnillah azza wa jal, nous lui dirons que abshir, réjouis-toi, cette prière te sera bénéfique bi'idnillah azza wa jal. Ad-dalilu ala dhalik, la parole d'Allah azza wa jal. Allah, il a rappelé que la prière, ah, mais la prière bien accomplie, à son temps, faite d'une bonne manière, d'une bonne façon, comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a enjoint, quand il dit, kama ja'a fi sahih, sallu kama ra'aytumuni, on salli. Donc tu pries pas comme tu veux, prier comme vous m'avez vu prier. À ce moment-là, elle te sera bénéfique. La prière éloigne, inna salata tanha ani, ah, al-fahsha. Tanha ani al-fahsha, iwal munkar. Elle t'éloigne de quoi? Ah, de ce qui fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire, al-fahsha. Al-fuhsh wa al-tafahush. Donc tout ce qui concerne les mauvaises moralités, les mauvais comportements, les mauvaises paroles. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, comme on va le voir bi-idnillah azza wa jal. Et ici, ce qui va à l'opposé du mauvais comportement, c'est le bon comportement. Et plus dans les détails, ce qui va à l'opposé de la mauvaise parole, c'est la parole bonne, la parole droite. Et Allah azza wa jal l'a enjoint dans le Coran al-Karim, وَقُولُ لِلنَّاسِ Husna, et dit aux gens des bonnes paroles. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle que le croyant, quand il parle, il doit utiliser les meilleures des paroles. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Et qui dit une plus belle parole que celui qui appelle le sentier de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh, vous qui avez cru craigner Allah. Wa qulu qawlan sadida. Et dites des paroles droites. Man kana yu'minu بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما جاء في صحيح البخاري. Celui qui croit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise des bonnes paroles, du bien, ou qu'il se taise. Donc ici, ce qui va à l'opposé des bonnes paroles et du bon comportement, c'est ça, ce qui fait partie des signes de la fin des temps. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش حتى يظهر الفحش والتفاحش. Ici, n'apparaîtra pas ou ne viendra pas l'heure avant que n'apparaisse quoi? Donc nous avons dit les mauvaises paroles et les mauvaises moralités. D'accord? Et ici, les mauvaises paroles et les mauvaises moralités, certes, ils sont apparus. Et on a dit de façon générale et de façon aussi, ou alors même dans l'enceinte de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Chez les musulmans, les asafi shadi. De façon générale, c'est clair. Allume la télé, et tu verras. Écoute les gens parler dehors et tu vas comprendre. Regarde les gens comment ils s'expriment et tu vas voir que ici ce signe, il est clairement apparu au jour d'aujourd'hui et bien plus répandu qu'il n'y a ne serait-ce que quelques années derrière. Que quelques années derrière sans exagérer. Il suffit de voir les gens comment ils s'expriment. Que ce soit des gens même qui sont haut placés, ça ne les dérange pas quelquefois de dire des grossièretés. Ah, le prophète, il a parlé des grossièretés aussi. Et on va le voir. Et ça fait partie de l'fahsha. Walakin Allah Azza wa Jal, il nous rappelle, ici le prophète alayhi salatu wa salam aussi, que c'est des choses détestées par Allah et son messager. Plus que cela, ça c'est des signes de la fin des temps. Et quand on voit des gens parler mal, des gens utiliser des propos injurieux, des gens parler avec grossièreté, des musulmans ou des non-musulmans, sache que tu es en train de voir devant toi un signe parmi les signes de la fin des temps. Et ça doit te faire peur. Et ça, c'est des arguments que tu dois utiliser pour, ici, rappeler à l'œuvre cette personne-là. Ittaqillah ya Abdallah. Non seulement c'est grave, walakin hada min ashrati sa'a. Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam, wa dhkura al-hadith. Simplement, ça fait peur aux gens. Quand tu dis que tu es en train de faire une chose qui fait partie des signes de la fin des temps. Ah, la personne, elle a tout de suite peur. La fin des temps, moi, je suis en train de faire une chose qui fait partie des signes de la fin des temps. Dans le prophète, alayhi salatu wassalam, on a parlé il y a plus de 14 siècles. Na'am, ya akhi al-habib. Et est-ce que ça s'est répandu de façon générale? Oui, c'est clair. Chez les non-musulmans, c'est répandu sans limite. Illa wa rahimallah. Ou disons plutôt, ici, sauf un groupe, ici plutôt spécifique des non-musulmans. Et parmi les musulmans, na'am. Et là, on peut dire, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Wallahi, chez les musulmans aussi, c'est devenu une catastrophe. Que ça soit chez les parents, que ça soit chez les enfants, que ça soit chez les femmes, que ça soit chez les hommes. Lil asafi shadid, tu entends des parents qui insultent leurs enfants. Ou alors qui invoquent pas pour, alors qu'on sait que du'a al-walidayn ici est accepté. Ça, c'est connu. Ici, mais ils invoquent contre leurs enfants, quand ils sont énervés, Allah ya'atik, Allah, Allah, Allah, Allah, il invoque Allah, pas pour lui, mais contre lui, wal'iyadu billah. Après, il s'étonne, pourquoi mon enfant c'est un pervers? Pourquoi mon enfant c'est un fasir? Pourquoi mon enfant dal, il est égaré? Pourquoi mon enfant c'est un fasir? Pourquoi mon... Subhanallah, c'est toi qui n'as cessé d'invoquer contre ton fils. Et ensuite, tu te plains. Fa'ada bima kasabat aydin nas. Ça, c'est ce que les mains des gens ont causé à yul ahibba. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُوتِ. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Al-Kalima, la parole, ce n'est pas une mince affaire. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, ici le serviteur peut dire une parole, il lui donne aucune importance, alors que cette parole l'a précipité dans le feu de l'enfer d'une distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Hadith rapporté par Muslim. Une parole, Kalima, simplement. Que dire de centaines et de centaines de paroles? Et en plus de cela, nous ne disons pas simplement des paroles, mais des paroles grossières, injurieuses, des paroles mauvaises. Comme je disais dans le sermon du vendredi, toi, tu oublies, car al-insan yansa, khuliq al-insan da'ifa. Allah, il a créé l'être humain faible. L'être humain, il oublie. Walakin al-malaika, ils n'ont pas oublié de noter. Et Allah, Azza wa Jalla, dit dans le Coran, wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie rien. Il n'a rien oublié, il n'oublie rien, il n'oubliera rien. Allah Azza wa Jal, il est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Donc attention quand tu parles. Et en plus de cela, quand tu parles avec des grossièretés, que dire? Hadith wa la haraj ya Abdallah. Les anges ont noté tout et tu rendras des comptes sur ces paroles-là. Illa man taba, sauf celui qui se repent. Man taba taba Allahu alayhi. Et ici, il y a des gens qui diront, ya Allah, au jour de la résurrection. Ils vont voir leur livre. Il va se rappeler, mais j'ai fait telle mauvaise action, telle... Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, qu'est-ce qu'il lui dira Allah azza wa jal? Ici, on te les a cachés, on te les a couverts tes péchés ici-bas, et aujourd'hui, on te les a pardonnés. On t'a pardonné aujourd'hui. Et ici-bas, on a caché, on t'a stère. On t'a caché tes défauts ici-bas. Et dans l'au-delà, on t'a pardonné tes péchés. Voilà qu'il celui qui ne se repent pas et qui persiste wal iyad billah. Imagine-toi, tu devras lire ton livre. Iqra kitabak kama qala subhanahu wa ta'ala. Lis ton livre, il te sera dit. Et tu liras ton livre. Toute parole que tu as dit, tu les liras et tu devras rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Alors imagine-toi ya Abdallah. Donc attention à tes paroles. Attention à ce que tu sors ici quand tu parles ya Abdallah. Ici, regarde ce que tu dis et surtout et particulièrement quand tu es devant les gens. Car ici, tes paroles vont influencer, soit en bien, soit en mal, ton entourage. Et particulièrement ta famille. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle la longue responsabilité d'avoir une famille, il dit, Ya ayyuhalladhina amanuqu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles. Ah, t'as une lourde responsabilité. Non seulement tu dois préserver ta personne du feu, bi'idhnillahi Azza wa Jal, mais ensuite, en plus, qu'u anfusakum wa ahlikum. Oh, toute ta famille. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Ça, c'est une lourde responsabilité. Que dire de la personne qui, quand il rentre chez lui, il parle avec des injures, il parle avec grossièreté, il laisse ses enfants regarder tout et n'importe quoi à la télé, et ensuite, il s'étonne quand son fils dit des gros mots alors qu'il n'a que 4 ans, ou que 5 ans, ou alors que son fils lui répond à 6 ans, ou que son fils dise des insultes à 5 ans, ou que son fils dise des insultes à 6 ans qui lui... Peut-être ne les a jamais dit de toute sa vie alors qu'il a 30 ans ou 40 ans. Faut pas s'étonner, ya Abdallah. Il suffit de regarder certains dessins animés qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Et je le cite souvent cet exemple. Vous connaissez le fameux dessin animé. C'est quoi? Petit œuf, Masha'Allah. On l'a pris comme référence. Ici, parce que moi, il m'a choqué. Une fois, j'ai vu une scène, j'ai été traumatisé. Donc ici, et qui beaucoup de musulmans laissent leurs enfants regarder des types de dessins animés. comme ce dessin animé où il y a un enfant qui urine dehors et qui ne cesse d'insulter. Et c'est devenu naturel. C'est devenu naturel. Maintenant, même les parents, il y a quoi, il y a quoi de mal? Alors que, vous vous souvenez ce que j'ai dit au début du cours, j'ai dit, ici, c'est apparu, c'est-à-dire, ça s'est propagé, al-fouch, wat-tafahouch, au jour d'aujourd'hui, à une allure telle qu'on ne voyait pas il y a simplement quelques années en arrière ce qu'on voit et ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Il suffit de retourner à quelques, je dis pas des centaines d'années, quelques années, nous, en arrière. Et regarde ta réaction. Et les réactions que pouvait avoir ici la personne quand il était en face de la télé avec ses parents et qu'il y avait une publicité ou autre. Bien que vous savez que les publicités du jour d'aujourd'hui, je parle juste des publicités, je parle même pas des films et des séries, wala hawla wala quwwata illa billah. Je parle juste des publicités. Ça n'a rien à voir les publicités du jour d'aujourd'hui avec les publicités d'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Et imaginez-vous ici le respect qu'il y avait à l'époque et la honte qu'avait et qu'on avait quand on était jeune, hein, et quand tu voyais peut-être une publicité ou autre, hein, tu voyais comment c'est la sueur qui coule du front et tu paniquais et tu... Tu regardes avec son père et mashallah, il regarde Titeuf et ça insulte et azzakumullah, ça boule dehors, ça urine dehors et ça dit je ne sais quoi, ça regarde des publicités, ça regarde des films et des séries et celle-là embrasse celui-là embrasse celle-là est toute nue à moitié nue et celui-là pareil. Et le jour où des non-musulmans, ils surveillent ici tout ce que regarde leur enfant à la télé et sur internet de jour comme de nuit. Et bien des non-musulmans, peu importe, ici, comme si ça ne le concernait pas. Peu importe. Le jour où des non-musulmans, ils sont très stricts. Et plus que certains musulmans, je ne généralise pas, mais plus que certains musulmans et certains non-musulmans. Au jour où les parents de certains, ici, alors qu'ils sont musulmans, alors que le prophète alayhi salam a dit chaque religion a sa moralité, et la moralité de cette religion c'est quoi? Al-haya, la pudeur. Alors que le prophète alayhi salatu wasalam dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'. Parmi les paroles qu'on saisit, que les gens ont saisi, parmi les paroles des premiers prophètes, c'est quoi? Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Deux explications de ce hadith. Parmi les deux explications, il y a l'explication où les savants ont dit que c'est pour montrer que celui qui n'a pas de pudeur, il va pouvoir faire des choses ici, il n'aura pas de limite quelque part. C'est pour montrer la gravité d'agir sans pudeur. Quelque part, tu n'auras pas de limite. Donc ici, nous disons, chacun doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ses enfants, ici concernant sa propre personne, concernant son éducation qu'il a fournie ici à son épouse, l'épouse envers son mari, et même lors des conflits. Même lors des conflits. Na'am, même lors des conflits, ayol ahibba. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a cité les critères de l'hypocrite, et parmi les critères de l'hypocrite, il a dit, idha khasama fajr. C'est-à-dire, quand il rentre en conflit, quand il se dispute, quand il est pris par la colère, une dispute que ce soit le mari envers sa femme, la femme envers son mari, le frère envers son frère, le frère, la sœur envers sa sœur, bref, il y a une dispute, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il perd toute moralité, khlas, ça y est, il flanche. Il dérape, il glisse, si tu veux. Et là, khlas, il dit des choses, wal'iyadu billah. Ici, qu'il n'aurait pas dit si il n'était pas en colère. S'il ne s'était pas disputé. C'est-à-dire, il perd toute moralité à travers ses paroles. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est des choses détestées. Et ça va à l'encontre de quoi? On a dit du bon comportement. Et c'est pour ça que nous disons que le comportement a une telle importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad alayhi afdalu salat wa askat taslim. Il a une telle importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran al-Karim en disant wa innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est la parole qu'Allah a utilisée pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et tu es certes doté, avec une traduction approximative, d'un immense ou d'un noble comportement. Khuluqin 'azim. Même en français, tu ne peux pas le traduire comme il se doit, c'est pas comme l'arabe. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Il parle de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Et le hadith rapporté par Al-Bukhari, j'ai été certes envoyé li utammima makarim al-akhlaq, pour compléter les bonnes moralités. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam, l'importance. Allah il parle du comportement et il fait l'éloge de la meilleure des créatures sur la surface de la terre en rappelant qu'il a un comportement noble, exemplaire, grand. Et le prophète lui-même qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, il rappelle qu'Allah Azza wa Jal l'a envoyé pour compléter les bonnes moralités. L'importance du bon comportement. Plus que cela. Ou alors, ne disons pas plus que cela, mais continuez avec moi. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Authentifié par Sheikh al-Albani, ou jugé bon par Sheikh al-Albani, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, écoute bien, ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamati min husn al-khuluq. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection. Rien de plus lourd. Oh, plus lourd que quoi? Le jeûne surrogatoire. Plus lourd que Qiyamul Layl. On va le voir. Suis bien avec moi. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que quoi? Les bonnes moralités, le bon comportement. Le bon comportement, ce qui a été délaissé par beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui. Na'am. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si tu vois ici à Abdallah une innovation apparaître, sache qu'il y a une sunnah qui a disparu. On est d'accord? Si tu vois, ya Abdallah, qu'il y a un mauvais comportement qui apparaît chez toi, ou dans la communauté de façon générale, sache qu'automatiquement, il y a quoi? Il y a quoi? Un bon comportement qui s'en est allé malheureusement. Donc si au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup ce que le prophète alayhi salatu wa salam a cité, qui fait partie des signes de la fin des temps, al-fuhsh, والتفاحش, c'est-à-dire القبيح من الأقوال والأفعال, ce qui est mauvais comme parole et comme acte, c'est que il y a beaucoup de bonnes paroles et de bons comportements qui ont disparu. Et مع الأسف, c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu vois des musulmans entre eux ici se dévorer. D'accord, c'est même pas, on va se dire, se critiquer ou se dévorer entre des musulmans qui essayent de chercher la vérité. Et qui, quelquefois, il y a quelques divergences, jusqu'à ce qu'on arrive à des divergences non réprouvées, et ici tu vois encore de l'animosité du côté des musulmans entre eux. Et ça, ce n'est autre, ou c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Manque de science et mauvais comportement. Tout simplement. Car celui qui a un bon comportement, est-ce qu'il agirait ainsi? Il ne peut pas agir ainsi. Donc, manque de science. Et ici, mauvais comportement, wal'iyadu billah. Donc, nous disons, ayyuhal ahibba, nous, on se doit de s'accrocher à ce qu'il y a, ou ce qui fait partie des choses les plus importantes dans l'islam, le bon comportement, husnul khuluq. C'est pour ça que le prophète, il a mis l'accent. Allah, il a mis l'accent sur le bon comportement. Et Allah, il ne cesse de parler du bon comportement. Quand tu marches, quand tu t'exprimes, qulu qawlan sadida, dis des paroles droites, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كتيما سوراتير il marche de façon un bon comportement واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ah des injures non salam et quand il rencontre un ignorant il parle avec un ignorant et qui rentre dans le jihad qu'est-ce qu'il dit salam paix ah le bon comportement encore regardez Allah et le prophète alayhi salam ne cessent de nous rappeler l'importance du bon comportement jusqu'à ce que le prophète il a dit écoute bien il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement. Clair? Et il dit dans le même hadith, wa inna Allah yubghidul fahish al-badi. Dans le même hadith. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste, yubghid. Allah azza wa jal, il déteste. Dans le même hadith, hein. Donc, on a dit quoi? Ah, on a dit que, al-fuhsh wal-fahsha, de façon générale, ou bien al-fuhsh wal-fahisha. Donc, ici, tout ce qui concerne, al-tafahush, ici, tout ce qui concerne les paroles et les actes grossier, mauvais, son opposé ou leur opposé, c'est le bon comportement. Donc, l'opposé du bon comportement, c'est le mauvais comportement. Regardez le prophète, il dit, il n'y a rien de plus lourd dans la balance, au jour dans la balance du croyant au jour de la résurrection, que quoi? Le bon comportement. Et tout de suite, il dit, alayhi salatu wa salam, wa inna Allah yubridul fahish al-badi. Ah, l'opposé. Et Allah déteste l'homme, ici, grossier, qui prononce des mauvaises paroles. Quand il parle, il est grossier, wal'iyadu billah. Al-fahish al-badi, wal'iyadu billah. Donc, l'opposé du bon comportement. Donc si tu veux voir une personne aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt un des signes qui montre qu'inshallah ta'ala cette personne est aimée par Allah azza wa jal, regarde ses paroles et son comportement. Si tu veux savoir est-ce que la personne ici a mis un pas dans la voie qui le fera détester par son Seigneur tabaraka wa ta'ala, regarde ses paroles et son comportement. Si il parle avec des choses détestées par Allah, il agit avec des choses détestées par Allah, il ne peut que se faire détester par Allah azza wa jal. Allah il déteste quoi? Inna Allah yubghidul fahish al-badi. Allah il déteste l'homme grossier, l'homme insolent. Quand il parle avec de mauvaises paroles, wal-iyadu billah. Et ça c'est une preuve, ayyuhal ahibba, ici qu'il fait une chose détestée par Allah azza wa jal et qu'il risquerait certainement et fortement d'être détesté par son Seigneur tabaraka wa ta'ala, wal-iyadu billah. Et le pire, quand tu vois des gens qui, même au nom de la religion, quand ils parlent, ils insultent. Wallahi, ça existe. Même dans la religion. Quand ils parlent de religion, ou ils rentrent dans le djidal, avec des preuves du Coran, ils insultent. Et wallahi, on en a entendu. Et on a entendu des gens qui parlent sur la religion, et qui ne se comportent même pas comme il se doit quand ils parlent, alors ils parlent au nom de la religion, et quelquefois ils se disent prédicateurs, wal'iyadu billah. Quelquefois, ça arrive. Naam. Et ils disent des insultes, des gros mots, des grossièretés. Et ils ont pris ça, et ont cette habitude jusqu'à ce que, même quand ils ont embrassé l'islam, ou plutôt quand ils se sont repentis, ils ne se sont pas débarrassés, wal'iyadu billah, de ces choses mauvaises. Et beaucoup de jeunes en entendent. Ils parlent, ils disent des insultes, et ils disent des choses, wallah, et moi, plus d'une fois, j'ai été choqué. Plus d'une fois, j'ai été choqué. Et c'est pas pour dire, oui, moi, je suis une personne qui fait aucune erreur. Ah, ben, je suis peut-être pire que la plupart d'entre vous. Voilà, qu'il nous a ahada des insultes, wala hawla wala quwata illa billah. Je vous cache pas. C'est pas pour me montrer ou quoi que ce soit. Et je sais que la plupart d'entre vous, c'est la même chose. Mais quand j'entends des insultes, wallahi al-adim, mon cœur, il tremble. J'ai même envie de, wal'iyadu billah, boucher mes oreilles, je me sens mal. Et des gens, ils disent quelquefois certains termes, pour eux, ce n'est pas grave. Ils disent, mais c'est pas une insulte, ça. J'ose même pas les dire. Non, j'aurais aimé vous le dire, mais j'ai pas trouvé le moyen, comment vous les faire passer. Mais il y a des mots, wallah al-adim, il faudrait trouver un moyen pour les faire passer. Et pour que les gens arrêtent d'utiliser certains termes qui pour eux, c'est pas grave, c'est pas une insulte ça. C'est des choses qui se disent pas. Donc c'est pour ça, ici, essayez de soigner au maximum votre langage. Et plus vous allez, ici, agir avec pudeur à travers votre comportement et vos paroles, sachez que c'est pas de l'excès. Plus tu vas le faire, et plus tu es dans un bien. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Al-haya la ya'ti illa bi khayr kama fi sahih. La pudeur, ici, ayyuhal ahibba, n'apporte que du bien. Plus tu agis avec pudeur, plus tu parles avec pudeur, plus tu te comportes avec pudeur, et plus ça sera un bien pour toi, ya Abdallah. Et ça, c'est une preuve d'un bon comportement. Le bon comportement, on peut en citer plusieurs ahadith. Parmi les ahadith qu'il y a, rawahu al-imam al-tirmidhi wa ghayru. وحسن الحديث شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه وأرضى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Le prophète عليه الصلاة والسلام il dit, les plus aimés auprès de moi et les plus proches de moi au jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront eu les meilleurs comportements ou les meilleures moralités. Les plus aimés du prophète et les plus proches au jour de la résurrection du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui ont eu les meilleurs comportements. Regardez l'importance du comportement. À quoi bon jeûner toute la journée, prier toute la nuit, apprendre la science de jour comme de nuit, pour que, après, quand tu parles ou quand tu agis, on ne voit aucune trace de la science utile, tu fais fuir tout le monde à travers tes paroles et à travers ton comportement. À quoi bon tous ces efforts, ya Abdallah? À quoi bon tous ces efforts? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Hibban, authentifié par Sheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Jami', inna al-mu'min la yudriku bi husni al-khuluq darajat as-sa'im. Le croyant, ici, atteint le degré du jeûneur et de celui qui prie, d'accord? Le jeûneur et le prieur, il atteint leur degré, c'est-à-dire le croyant avec un bon comportement. C'est-à-dire, ici, celui qui agit avec un bon comportement, il atteint en degré celui qui passe ici sa journée en jeûne, et même sa prière, sa nuit en prière. Lui, il a quoi? Il ne jeûne pas la journée et il ne prie pas la nuit. Je parle des œuvres surérogatoires, mais son quoi? Son bon comportement. Et pourquoi pas? Alors que le prophète, il a dit rien de plus lourd au jour de la résurrection dans la balance du croyant que quoi? Min husnil khuluq, que le bon comportement. Donc ici, il faut respecter ce qu'on appelle la tertib. Il faut pas brûler les étapes, ya ibadallah. Il y a des gens qui ont fait des efforts dans les œuvres surérogatoires pendant des trentaines d'années, ou des dizaines d'années, ou des heures, ou des jours, ou des nuits. Et le résultat, c'est que quoi? Peut-être ils ont fait des jeûnes surérogatoires, ils ont fait des prières, walakin, au bout de 20 ans d'application de religion, au bout de 30 ans, son comportement est zéro, ou alors 0,1. À quoi bon, ya Abdallah? Le bon comportement, regarde l'importance du bon comportement. Écoute ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit encore. Et le hadith, il est jugé bon par Cheikh Al-Albani, rapporté par Al-Tirmidhi et d'autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été interrogé. Su'ila Rasulullah, alayhi salatu wassalam, an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Il a été interrogé, le prophète, alayhi salatu wassalam, sur ce qui fait rentrer le plus au paradis. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une mince affaire. Regardez les interrogations qu'avait le prophète Aïssam, ou plutôt les questions qu'avait le prophète Aïssam. Qu'est-ce qui fait rentrer le plus de gens au paradis, à Rasulallah? Et le prophète Aïssam, il a dit quoi? Taqwallah. Ah, la crainte pieuse. Regardez le prophète Aïssam clairement. Khayrul kalam aqalla wa dal. Ici, le prophète, il dit la crainte pieuse. Taqwallah et husnul khuluq. La crainte d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement. Pourtant, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part, elle rentre dans le bon comportement ou pas? Naam, car le bon comportement, c'est envers qui? Envers Allah, envers les gens, envers les animaux. Le bon comportement envers Allah azza wa jal, c'est quoi? At-tawhid. Adorer Allah azza wa jal sans rien lui associer. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. L'adorer Allah azza wa jal. L'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le craindre en s'écartant de ce qu'il déteste et en n'appliquant ce qu'il nous a ordonné et en accomplissant ce qu'il nous a ordonné. Donc ça, c'est taqwa Allah. Donc ça, ça fait partie du bon comportement envers Allah Azza wa Jal. Taqwa Allah wa husnul khuluq, c'est ce qui fait rentrer le plus de personnes au paradis. Et il a été interrogé, qu'est-ce qui fait rentrer le plus en enfer? Et le prophète alayhi sallam, il a dit quoi? Al-fam wa al-faraj. Al-fam wa al-faraj, c'est-à-dire al-fam, la langue, la bouche, la langue, donc, c'est-à-dire ce que dit la personne, avec quoi? Avec sa langue, sa bouche. Al-fam ou al-fard, c'est-à-dire les parties. C'est ce qui fait rentrer le plus de monde en enfer ou al-iyadu billah. Donc, ya Abdallah, n'oublie pas. Taqwa Allah et le bon comportement, t'as le paradis bi-idnillah azza wa jal. Lâche ta langue n'importe comment et continue à faire du mal aux gens et à toucher à l'honneur des gens et des croyants et des croyants, à mentir, et ne préserve pas ta chasteté, t'as l'enfer. Incha'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jal le veut. Donc ici, ayyuhal ahibba, ce n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que quand on voit ici l'importance du comportement à travers les versets et les hadiths, ça ne peut que pousser le croyant pieux vertueux à s'accrocher au bon comportement. Et quand on voit toutes les mises en garde sévères du prophète alayhi sallam et d'Allah Azza wa Jal avant cela, concernant la personne qui lâche sa langue d'une mauvaise façon, ici, ça ne peut faire que peur aux croyants, d'accord? Et ne peut être qu'insouciant ou insouciant à ça, que l'insouciant est égaré, wal'iyadu billah. À titre d'exemple, le prophète alayhi sallam, il dit dans Sahih, il a vu des gens, lors de l'Isra wal Mi'raj, il a vu des gens à qui on sciait la bouche, le nez et les yeux. Et ici, on sciait la bouche jusqu'au nuque, jusqu'à la nuque. Et il a dit à Jibril, qui sont ces gens-là? Il a dit, ceux qui sortaient le matin pour lancer quoi? Un mensonge, une diffamation, wal'iyadu billah, sur son frère, ou sur sa sœur, ou sur un groupe de musulmans, un groupe de croyants, un groupe de gens. Et ces paroles, ils ont été jusqu'où? Jusqu'aux provinces les plus lointaines. Wal'iyadu billah. Le prophète alayhi sallam n'a-t-il pas vu des gens, lors de l'Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne, se griffer le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre? C'est qui cela? C'est qui? Ceux qui quoi? Ceux qui faisaient de la médisance. Al-riba, wal'iyadu billah. Et il disait quoi? Regardez, en plus, il détaille en plus. Et il dit quoi après le prophète, alayhi sallam? Jibril, alayhi sallam, au prophète, alayhi sallatu wassalam. Et ceux qui quoi? Ceux qui mangeaient la chair de leurs frères et qui touchaient à leur réputation. qui souillaient la réputation de leur frère. Après, il y a des gens qui disent, mais non, c'est halal dans cette, là, parce que là, tu as le droit de faire ça dans certains cas. Oui, mais n'oublie pas, c'est des exceptions. D'accord, oui, il y a dans des cas où il y a des mises en garde permises, dans des cas où il faut mettre en garde contre un pervers, dans des cas, mais ça, ça reste des exceptions. Mais la règle générale, c'est quoi ? لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة كما جاء في الصحيح. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit personne ne couvre les défauts de son frère ici-bas sans qu'Allah lui couvre des défauts au jour de la résurrection. Et celui qui cherche à scandaliser son frère, à toucher à la réputation de son frère, à l'honneur de son frère, Allah le scandalisera حتى في جوف بيتي كما جاء في الصحيح مسلم. Allah le scandalisera même, hein, même au milieu de sa maison, même au sein de sa femme. Allah le scandalisera, le scandalisera. Et par expérience, on l'a déjà vu, walillahi alhamd. Ala kulli hal, ici, c'est quelques hadiths qui nous montrent l'importance de quoi ? Husnul khuluq, qui va à l'opposé de quoi ? De ce qui fait partie des signes de la fin, des signes de la fin des temps. C'est-à-dire, al-fuhsh wa tafahush. Donc quand tu parles, fais attention. Occupe-toi de tes problèmes et de tes défauts avant de t'occuper des défauts des gens. Et ça, je parle pour moi, sans fausse modestie, moi le premier. Parce qu'on a tendance, nous, à lâcher facilement notre langue et à être très à l'aise quand on parle des défauts des gens. Et je parle pour moi le premier. C'est facile. T'es à l'aise. T'es même bien. Tu peux même rester des heures. Mais par contre, quand on veut te citer simplement un de tes défauts, faut mettre des gants, faut mettre 4 heures de pommade, et pour que tu l'avales, il faut des jours et des jours. Mais par contre, quand tu dis, ah, celui-là, par contre, il a ça. Celui-là, il a tel défaut. Celui-là, dans l'ilm, il a ce défaut. Ah, celui-là, il est bizarre. Ah, celle-là, elle me paraît bizarre. Ah, celui-là. Et par contre, des gens comme ça, quand tu viens et tu leur dis, ya fi, j'ai un conseil. Frère, attends, subhanallah, ah, t'es pas dans une situation aussi à l'aise que quand tu parlais des gens. Alors que Omar ibn al-Khattab nous l'a dit, ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an. Demandez-vous des comptes à vous-même avant d'en rendre. D'abord, occupe-toi de toi. Allah il dit qu'on infusakum wa ahlikum naram, préservez vos personnes et vos familles du feu. Donc, les versets, les hadiths nous rappellent, occupe-toi de toi. Balaye devant ta porte avant de balayer devant la porte des gens. Min husni islam il mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam, ah, du croyant de la personne, c'est quoi ? Le fait de délaisser ce qui ne nous concerne pas. Mais nous, on aime bien de s'occuper des gens, des affaires des gens, des problèmes des gens, et de montrer les défauts des gens, de parler des défauts des gens, mais quand c'est nous, ah, on a du mal à l'avaler. Et ça, c'est un défaut, ayyuhal ahibba, il faut voir, Rabbil Ka'ba, ça ne sert à rien d'entendre qu'avec les oreilles, mais il faut entendre, écouter, comprendre avec le cœur. Et celui qui a entendu et compris ces paroles, et moi le premier, avec le cœur, il va se dire, et il doit se dire à cet instant, faut ici que je me demande un peu des comptes tout à l'heure. Est-ce que moi je suis parmi ces personnes-là qui aiment bien facilement parler des gens, celui-là les défauts, celui-là, ou est-ce que je fais partie des gens, non, qui n'aiment pas parler des défauts des gens, mais par contre je me demande beaucoup des comptes à moi-même et j'aime qu'on me conseille. Si c'est le premier cas, attention, si c'est le deuxième cas, walillahi alhamd, abshir ya akhi al-habib. Et fais cette invocation, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Personne est ici à l'abri de quoi ? Du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ. Ah, ici, c'est qui est à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal ? Seuls les perdants, seule la personne qui est perdue comme Allah a dit dans le Coran al-Karim. Sois pas trop sûr de toi, d'accord ? Et dis, oh toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Fais toujours cette invocation. Ne sois jamais sûr de toi, car le prophète a dit, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ. Les actions ne valent que par leur fin. Donc, fais attention à comment se comporte ton fils et ta fille. Comment parle ton fils et ta fille. Car s'il parle mal, s'il se comporte mal, ça fait partie des signes de la fin des temps, comme on l'a cité dans le hadith. Claire ? À toi de les corriger avec douceur et sagesse. D'accord ? Et ici, ce n'est pas excusable d'être en colère ou énervé, d'accord ? Si tu sors des paroles grossières. Tu ne peux pas dire « je suis excusé car j'étais énervé ». Ou parce que il m'a énervé, ou elle m'a énervé. Ce n'est pas excusable, ya Abdallah. D'accord ? La preuve de cela. Regardons comment le prophète Mohammed alayhi abdallah salatu wa taslim était chez lui. Avec ses épouses, avec les habitants, d'accord, de sa famille, ou avec les gens de sa famille plutôt. Comment il se comportait ? quand il faisait des erreurs. Il faisait des erreurs, na'am. Aïcha a fait des erreurs, oui. Hafsa a fait des erreurs, oui. Les gens de la famille du prophète, il y en a certains qui ont fait des erreurs, na'am. Ils ont fait des erreurs. Et comment le prophète alayhi salatu wa sallam se comportait? Est-ce qu'il s'énervait? Est-ce qu'il se retenait? Est-ce qu'il insultait? Est-ce qu'il se mettait en colère jusqu'à ce qu'il frappait? Est-ce que, on va citer simplement deux ou trois preuves. D'accord? Avant cela, à la Kabbalah Aïcha? 39. Na'am. Parmi les histoires qu'on a, il y a la fameuse histoire que vous connaissez, et ça c'est un message aux maris, aux époux et aux épouses. Il y a une époque, peut-être on aurait dit que aux époux. Mais là on est obligé de dire aux épouses aussi, bien que ça reste une minorité par rapport aux hommes. Parce que maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de cas maintenant, hein, où c'est les hommes qui se plaignent, ma femme me frappe. Ça existe, ça. Ça, vous savez que ça existe. Il y a des hommes qui portent plainte contre leur femme. Des musulmans, hein, qui, même dans des pays musulmans, parce que leur femme les frappe les maris, ou alors ils prennent des armes comme, on va dire, je sais pas quelle catégorie, mais bon, des couteaux, des fourchettes, et voilà, et ça existe. Et moi, je parle par expérience, je dis pas à Brest, attention. Mais je dis, j'ai eu plusieurs cas, plein de cas comme ça. Et dans les pays musulmans, haddithou la haraj. Il y en a plein des cas comme ça. Na'am, c'est pour ça que je vous dis, mais là, je vais m'adresser aux époux et aux épouses. Bien que je dis, de façon générale, ça concerne plus les hommes que les femmes. D'accord? Mais là, je ne parle pas que chez les musulmans, mais même chez les non-musulmans, vous allez le retrouver. Ça, c'est un petit message. Et ça, c'est une preuve que le fait que l'homme dise, j'ai insulté ma femme parce que j'étais énervé, on peut pas lui dire, c'est pas grave, c'est normal, elle t'a énervé, elle a mérité. Tu peux pas y arriver. Il y a des limites. Mais il y a un comportement à voir. Quel est le comportement? Si tu n'as pas de science, encore une fois, tu ne sauras pas comment réagir. Voilà, est-ce qu'il faut, d'accord, même quand tu vois une personne en face de toi faire 1000 erreurs, te transformer quelque part, c'est une métaphore. De toute façon, on va dire, ouais, il fait encore une scène de théâtre, il mange, c'est une métaphore. En serpillière? Ou est-ce que ici, tu dois avoir un comportement, ici, ou un autre comportement? Non, tu dois avoir un autre comportement. Quel est ce comportement? Le comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous allez servir dans le message d'Allah un excellent exemple. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a vécu plusieurs situations avec ses épouses et des situations où ses épouses lui ont menti. Ses épouses lui ont menti. À qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Parmi les textes qu'on a, un jour le prophète alayhi salatu wasalam, il rentre chez son épouse. Donc il avait plusieurs épouses, il va visiter Zaynab. Dans une des versions, c'est Zaynab. Dans une autre version, c'est une autre femme, mais on va prendre la version qui est la plus authentique, Zaynab. Et c'est Zaynab, radiyallahu anhu arda, et vous connaissez ce récit très connu. Quand il rentre chez Zaynab, il s'est un peu plus attardé que d'habitude chez elle. Qu'il restait un peu plus de temps chez elle, et avait les co-épouses qui l'attendaient. Il est où là? Et donc ici, la jalousie, on le sait, hein, on a tous un peu de jalousie. Qui a pas de jalousie en lui? Il lève sa main. Qui est, où il y a un menteur ici? Tout le monde a de la jalousie. Ça, c'est naturel. Voilà qu'ici, ce qui nous est demandé, c'est de pas extérioriser cette jalousie avec les paroles et les actions. Mais des fois, tellement que la jalousie est forte, que ici, ça pousse la personne à glisser, c'est-à-dire extérioriser cette jalousie par la parole et le comportement. Ça arrive. Quelqu'un va dire, non, t'as pas le droit dans tous les cas. Nous lui disons, t'as raison ou pas? T'as droit ou pas d'extérioriser la jalousie de temps en temps? T'as pas le droit, jamais. Hein? T'as droit? Inch'Allah, fais-toi. Allez. On a droit. La halal d'extérioriser la jalousie alors. Allez, qu'est-ce qu'on a le droit de faire alors en extériorisant? On a le droit de mentir alors. On a le droit de frapper. On a le droit d'insulter. On a le droit de tricher alors. Si on a droit, c'est qu'on a le droit de faire quoi alors? On a droit ou pas? On n'a pas le droit. Donc, on a droit. D'accord, on a le droit de faire quoi alors? Moi, je suis jaloux. C'est quoi que j'ai le droit de faire alors? Quand je suis jaloux? Hein? Le compagnon, il a dit, si je vois quelqu'un parler à ma femme, il lui coupe la tête. Ah là, ça c'est en off. Non, on parle pas de la jalousie envers l'homme envers la femme. Je dis de façon générale, la jalousie. Est-ce qu'on a le droit de l'extérioriser? Non, barakallahu fik. Non, ça, barakallahu fik. Ça, nokta. Mais ça c'est al-rifqa. Là, on parle pas de l'envie permise. L'envie permise, vous savez, c'est autorisé. On a le droit d'envier une personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné de l'argent, qui la dépense de jour comme de nuit. Une personne à qui Allah Azza wa Jalla a enseigné le Coran al-Karim. Ou alors, il a le Coran al-Karim où il lui a donné une science et qu'il l'enseigne aux gens. Mais là, je parle de la jalousie, pas de l'envie permise, hein, en islam, hein. Il faut la cramer à l'intérieur. D'accord. Demander à Allah. Bien sûr, mais est-ce qu'on a le droit ou pas? On n'a pas dit la solution. On a le droit ou pas? Si quelqu'un va dire, on a le droit, c'est grave, ça veut dire que, mashallah, on tire l'envie permise, hein. Je parle de la jalousie, hein, parce qu'il est permis en islam. Mais ici, la jalousie, si on dit on a le droit de faire quoi alors? On n'a pas le droit. Mais quelqu'un va nous dire, bah alors, toi t'es mieux que Aïcha radiallahu anha wa arda, alors, la mère des croyants? Non. T'es mieux que elle? Donc alors? Est-ce qu'elle a extériorisé sa jalousie Aïcha? Plus d'une fois. Oui. Donc elle s'est trompée. Vous allez dire, Aïcha, elle a fait une erreur. Aïcha, elle a fait une erreur ou pas? Non, non, elle a fait une erreur. Il y a quoi de mal? Elle a fait une erreur. Aïcha, elle s'est trompée. Donc ça, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'il y a certaines sœurs, certaines, hein, je généralise pas, mais quelquefois, ils utilisent quelques erreurs, quand je dis bien que c'est des exceptions, quelques erreurs des femmes du prophète ou même des frères. Ils vont utiliser quelques erreurs des compagnons et ils en font une généralité. Mon frère, Aïcha a fait ça. Donc presque, c'est comme si elle disait quelque part, si Aïcha a fait ça, c'est pas grave, j'ai le droit de le faire. Est-ce que ça veut dire que Aïcha s'est trompée, t'as le droit de te tromper? D'accord? Ou alors tu peux te tromper, ou même que c'est devenu une sunna de faire l'erreur de Aïcha. Pour certains, c'est ça. D'accord? Certaines personnes, ils regardent des exceptions et les rendent générales. Ça, c'est interdit en islam. Il y a des choses qui sont générales et des choses qui sont ici khas. C'est des choses, yani, c'est des exceptions, etc. Donc ça, c'est des exceptions, ça. Ça, c'est des cas isolés où quelquefois Aïcha a fait des erreurs. Mais est-ce que Aïcha s'est comportée toujours comme ça? Abadan, c'était une femme pieuse, vertueuse, qui craignait Allah Azza wa Jalla, savante et obéissante. Voilà que nous disons, elle a fait quelquefois des erreurs. Et la femme ne doit pas prendre comme exemple ici ces erreurs-là en reproduisant ces erreurs parce que Aïcha a fait cette erreur-là, mais elle doit plutôt se dire, ça c'est des petites erreurs qu'elle a fait par rapport à des océans de bien qu'elle a fait. D'accord? Et elle se dit aussi, si Aïcha a glissé, c'est pas moi qui ne va pas glisser, c'est possible que je glisse. D'accord, là, une bonne compréhension. Mais de renvoyer à chaque fois que tu glisses, c'est pas grave parce que Aïcha a fait, c'est pas, non. Ça arrive de glisser, même Aïcha a glissé, ça c'est autre chose. Vous avez bien compris? Ça c'est une bonne compréhension de la religion. Comment elle a glissé? Plusieurs fois. Mais parmi ces fois-là, une fois le prophète s'est attardé chez qui? Zayn. Radiallahu anhu wa arda. Et ici, Zayn va la préparer du miel avec un mélange au prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est attardé un peu chez Zaynab radiyallahu anhu arda. Donc quand il est rentré chez Aïcha radiyallahu anhu arda, Aïcha a fait un petit complot. Complot, mashallah. Contre le prophète. Et elle a dit à Hafsa, dès que le prophète il rentre chez toi, parce qu'ils ont su que ici Zaynab avait préparé une sorte de mélange avec du miel, et ils ont été prises de jalousie. Dès qu'il rentre, il s'approche de toi, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, écoutez bien, dont même sa sueur, comme ils ont rapporté les compagnons, avait là une odeur qui était encore meilleure que le musc le meilleur. Sa sueur, la sueur du prophète. Et à chaque fois que le prophète est rentré chez lui, la première des choses qu'il faisait, c'était quoi? As-siwak. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est une personne qui sentait très bon. Et c'était lui qui avait la meilleure des odeurs. Les compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum, ils ont attesté plus d'une fois sur cela. Avec cela, la meilleure créature sur la surface de la terre. Khalil al-Rahman, il rentre chez Aïcha et Hafsa, alors qu'ils ont fait un complot et qu'ils ont menti au prophète en disant, ah, tu sens mauvais de la bouche. Le prophète s'est approché, ils ont dit quoi? Ah, tu sens mauvais. C'est quoi cette odeur? Vous imaginez? Toi, tu rentres chez toi, ta femme, elle te dit, hein, alors que c'est peut-être vrai. Toi, t'es pas le prophète. Peut-être c'est le fdeha. Et toi, elle va rentrer toi, et en plus, peut-être c'est vrai. Elle dira, tu sens mauvais de la... Tu vas dire, comment ça? Tu prends pour qui, toi? Tu vas t'énerver. Peut-être, il y en a, ils vont s'énerver. Donc, ici, le prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est un mensonge. C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Ils ont comploté contre lui, alors qu'il n'a fait aucun mal. Quand il rentre, le prophète s'approche de Aïcha, dit, ah, tu sens mauvais, hein? T'as mangé quoi? Et après, il va... J'ai dit, mais j'ai rien mangé, j'ai rien mangé si ce n'est qu'un mélange avec du miel, mais classe, je ne mangerai plus. Quand il a vu Hafsa lui dire la même chose, il s'approche, ah, tu sens mauvais de la bouche. Vous imaginez un peu? Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Vous prenez pour qui? C'est moi la meilleure des créatures, même si je me sens, je sens le muscle, et vous, est-ce que vous sentez bon ou pas? Alors que c'est impossible, alors que j'ai pris du miel, ou il a fait une enquête, ça m'a l'air d'un complot, est-ce qu'il a eu son avan, la mauvaise opinion? Il a dit quoi? Wallahi, je ne mangerai plus jamais de ce mélange maintenant. Khalas. Et dans une version, Allah Azza wa Jal, il a révélé une asbab al-nuzul. Certains gens de science, certains exégètes, ils ont dit c'est la cause de la révélation du verset coranique où Allah Azza wa Jal, il a interdit au prophète alayhi salatu wassalam de rendre illicite ou de s'interdire ou d'interdire ce qu'Allah lui a rendu permis. Azza wa Jal lui dit ne rend pas interdit ce qu'Allah t'a rendu permis. C'est une chose licite. En plus de cela, c'est quoi? C'est al-asal, du miel, qui a été cité dans le Coran al-Karim. Dont le prophète alayhi salam a rappelé que quoi? La guérison, comme a dit Afis Sahih, se trouve dans trois choses. Et parmi ces trois choses, il y a quoi? Al-asal. Allah a cité le miel. Al-asal, dans le Coran al-Karim, ils ont utilisé le miel pour dire le prophète, ils sont mauvais de la bouche. Avec cela, le prophète, il a dit, Wallah, il a dit, je ne mangerai plus de ce miel. Parce qu'il ne savait pas au début que c'était un complot. Quand il a su que c'était un complot, est-ce qu'on a un hadith où il a rapporté que le prophète alayhi salam les a frappés, les a insultés à badal? Jamais. Continuez avec moi. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été en conflit avec Aisha radiyallahu anhu wa arda. En conflit, na'am. Donc celui qui croit qu'il va se marier, que tout va aller bien, d'accord, depuis le jour où il s'est marié, quand il avait 20 ans par exemple, jusqu'à ce qu'il aura 95 ans, incha'Allah wa ta'ala, sans jamais aucune dispute, nous lui disons, tu peux rêver. Bon, peut-être ça existe. Un cas sur un million, et encore. C'est normal, mais il y a conflit et conflit. Et il y a réaction et réaction. Regardez, ça c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre, avec une femme qui fait partie des meilleures des femmes sur la surface de la terre, Aisha radiyallahu anhu wa arda. En conflit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, khlas, on fait intervenir à une personne. Ah, on fait intervenir une personne, mais il faut faire intervenir une personne, c'est pas à n'importe qui. C'est, ils ont fait intervenir qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Après le prophète alayhi salatu wassalam, et les prophètes et les envoyés, c'est qui? Abu Bakr bi ijma' al-ulama. Le prophète, il a fait intervenir la meilleure des personnes. C'est pas comme certains au jour d'aujourd'hui. Quand ils ont des conflits, alors on a deux catégories de personnes. Soit ceux qui s'incrustent dans les conflits, ça c'est les gros curieux, c'est pas pour faire le khir. Ils rêveraient que tu les appelles quand ils ont un conflit. Et ils s'occupent de tout. T'as un problème, je te vois triste. C'est pas pour lui remonter le moral, mashallah. Walakin, c'est pour savoir, c'est quoi ton problème? T'as un problème qui a dit ça, et l'autre a dit ça. Ah, t'as un problème avec ta femme. Ah bah attends, moi je vais truc. Ou alors, il le connaît à peine. Et c'est que des qila wa qal. Ah, il a dit un tel à l'autre qui a dit que l'autre... À quoi ça sert que tu dises il a dit ou il a pas dit? Est-ce que toi tu es un qadi, tu es un juge? Est-ce que toi tu vas intervenir dans leur conflit? Non, bah alors tais-toi. Occupe-toi de tes affaires, mêle-toi de tes affaires. D'accord? S'il y a un intérêt de parler dans un conflit, khlas, première des choses. Ah, il y a un intérêt. Tu vas parler entre deux personnes, entre un couple, entre deux clans, entre deux parties. Il y a un intérêt. Parle si tu as le niveau de parler. D'accord? Si tu as le niveau de parler, et si tu sais qu'en parlant et en intervenant, tu vas être bénéfique. Mais à m'a parlé de loin, et tu ne sers à rien, et tu ne sais pas ce qui se passe, mêle-toi de tes affaires. D'accord? Je fais une khutbah, mêle-toi de tes affaires. Ça veut tout dire. N'écoute même pas la khutbah, lis que le titre. Mêle-toi de tes affaires. Min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni kama ja'a fi as-sahih. Le prophète a dit ce qui fait partie du bel islam, c'est quoi? C'est de quoi? De délaisser ce qui ne te regarde pas. Mais attention. Les musulmans sont comme un même dans leur affection, dans leur bonté, dans leur compassion, sont comme un même corps. D'accord? Donc ici, quand il y a une partie du corps qui souffre, donc tout le reste, ici, ressent la douleur, etc. Donc ici, nous disons, on ne dit pas, je m'éloigne des problèmes et je veux jamais rentrer. Non. Mais quand tu rentres, c'est qu'il y a un intérêt. Et c'est pas par curiosité, mais c'est, innama al-a'malu bil niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. C'est parce que tu sais que tu veux du bien pour ton frère. C'est pas par curiosité, c'est parce que tu veux l'aider. Là, tu dois rentrer. C'est pas quand t'as des problèmes, excusez-moi du terme, hein. Ça, je me rappelle un de mes chefs qui disait ça. Tu les vomis sur les gens, mais par exemple, par contre, quand la personne sur qui tu vomis tes problèmes, il a un problème et qu'il veut te raconter ses problèmes, asmahliya, j'ai pas le temps. Mais inchallah. Toi, t'aimes bien raconter tes problèmes, mais est-ce que tu écoutes les problèmes des gens? Et est-ce que ici, tu es là pour soutenir ton frère quand il a des problèmes, ou c'est que nafsi, nafsi, nafsi? Abadam. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui sont les plus bénéfiques pour les autres personnes. Donc nous disons, il y a un intérêt de parler. Tu as le niveau de parler, et ici tu interviens comme il se doit. Si tu n'as pas les capacités d'intervenir, même toutes tes affaires. C'est que des problèmes sur problèmes. Donc nous disons, et quand il y a des gens qui ont des problèmes, il faut intervenir les personnes qui ont le meilleur niveau et le plus de sagesse. Le prophète, il n'a pas fait intervenir n'importe qui, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Dans la meilleure des créatures, après les prophètes et les envoyés. Abu Bakr. Et la fille, c'était Aïcha. Dans une version, il est dit que le prophète a dit, on fait intervenir Omar. Elle a dit, oh là là là, pas Omar. Pourquoi Omar? Le haq, c'est le haq. D'accord, c'est pas Abu Bakr al-Haq, c'est pas al-Haq, ou Omar il est. Non, il est Job pour al-Haq. Mais Omar il faisait peur. Donc ici, Omar a dit non, pas Omar. Il a dit khalas, qui? Bah ton père. Regardez le prophète, il lui laisse le choix, on choisit. Ton père, Abu Bakr. Il vient. Abu Bakr il vient. Khalas, le prophète a dit tu vas intervenir entre moi et ta fille. C'est sa fille. Il dit imaginez-vous Abu Bakr a dit non, comment ça? Moi je vais intervenir entre le prophète et ma fille. Déjà khalas, le sang est monté. Et quand il lui dit. Khalas, le prophète, qui parle le premier, qui parle, hein, qui va commencer? Il y a des adab du prophète, alayhi sallam. Aïcha l'a dit, parle-toi le premier, walakin la taqul illa al-haq. Ne dis que la vérité. Il a dit ça au prophète, alayhi sallam. Abu Bakr, il a craqué, il a giflé sa fille jusqu'à ce qu'elle saigne. C'est sa fille. Il a giflé. Le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, bien fait. Attention de me reparler comme ça, toi, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, alayhi sallam? Il a dit, ya Abu Bakr, on t'a pas appelé pour ça? Il s'est interposé entre lui et Et Aïcha radiallahu anhu arda, il a dit ne fais pas ça, même si c'est ta fille, on t'a pas appelé pour ça, on t'a appelé pour intervenir. Ça c'est qui? Mohammed alayhi abdallu salatu waskat taslim. La meilleure des créatures sur la surface de la terre. Donc regardez comment il réagissait le prophète alayhi salatu wassalam, avec sagesse. Mais en face de lui, c'était une femme perverse, ou une femme désobéissante, ou une femme qui était, abadan, c'est une des meilleures femmes sur la surface de la terre. Parmi les meilleures des femmes, je dis pas la meilleure, parmi. C'est une femme qui a été innocentée par Allah Azza wa Jal au-dessus des sept cieux et ses versets sont récités, seront récités jusqu'à la fin des temps. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, quand ils l'ont accusée de fornicatrice. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme pieuse. Mais pour que la femme dise, bah Aïcha a fait ça, bah donc moi aussi, elle me blâme plus si je fais des erreurs maintenant. Abadan, toi ton exemple, c'est quoi? Les bons comportements et les bonnes moralités qu'avait Aïcha. Et quand Aïcha a fait une erreur, ici, tu ne dois pas suivre Aïcha dans une erreur. Et quand un compagnon a fait une erreur, tu ne dois pas suivre un compagnon dans son erreur. Et tu ne dois pas généraliser. Est-ce qu'il y a un compagnon qui est venu voir le prophète Hassan et a dit à Rasulallah, donne-moi l'autorisation de forniquer? Oui. Naam. Est-ce que quelqu'un va dire, oh, bah, c'est bon, le compagnon a dit ça, c'est pas moi qui va pas glisser. Hein. C'est pour ça, il a dit un truc, bah, moi je peux glisser, forniquer, ou alors je vais dire voir un imam, je dis, écoute, il ne faut pas exagérer. Il a dit au prophète, laisse-moi forniquer. Le prophète, il ne l'a pas frappé, il ne l'a pas blâmé, toi tu vas me. Est-ce qu'on fait une généralité? On ne peut pas faire une généralité. Est-ce qu'on va suivre ici ce comportement de ce compagnon? Non. Donc il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Et on ne généralise pas des cas isolés ou particuliers. Donc nous disons, il ne faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se taisait quand il y avait des erreurs? Rapporté par l'imam Ahmed. Et le texte, il est cité dans Sahih al-Jami', authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, quand il savait qu'il y avait un membre de sa famille qui avait porté ou apporté un mensonge, qui avait menti un membre de sa famille, qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salatu wassalam? Il se détournait de lui jusqu'à ce qu'il se repente. Ah, il l'exilait. Khalas. Ah, donc le prophète alayhi salam, il restait pas sans rien faire aussi. Il ne frappait pas, il n'insultait pas, mais quand il fallait être sévère, il était sévère. Et quelle pire punition que de voir la meilleure des créatures sur la surface de la terre te tourner le dos et ne plus te parler. Alayhi salatu wassalam, il se détournait de lui, même si c'était un membre de sa famille, jusqu'à ce qu'il se repente. Pas de rigolade. Donc ici, être sévère, être dur ne veut pas dire frapper, insulter, non. Mais tu peux être dur, être sévère, avec, ici, un certain uslub, un certain style. Et c'est le style qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'on appelle al-hikmah, la sagesse. Et Allah Azza wa Jalla dit, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il donne la sagesse à qui il veut. Ce n'est pas n'importe quoi la sagesse. Et pour avoir de la sagesse, il faut déjà apprendre pour savoir comment, ici, le meilleur des sages, Mohammed alayhi salatu wassalam, parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla, réagissait. Voilà comment réagissait le prophète Mohammed alayhi afdalu salatu waskat taslim. Donc nous disons pour résumer, na'am, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parmi les signes de la fin des temps, c'est al-fuhsh wa tafahush, c'est-à-dire les mauvaises paroles, les injures, l'obscénité, d'accord, les paroles obscènes et les mauvais comportements, ce qui est à l'opposé du bon comportement. Donc ça fait partie des signes de la fin des temps, c'est-à-dire ça va se propager et ça va apparaître de plus en plus, wal'iyadu billah, comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les asafi shadid. Et dans le même hadith, le prophète a parlé aussi de quoi? Qati'u al-rahim et su'ul mujawara. D'accord? Wa qati'atu al-rahim et su'ul mujawara, c'est-à-dire la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage, ça fait partie des signes de la fin des temps. La semaine prochaine, on en parlera bi'idhnillahi azza wa jal. Et ici, Avant de terminer, pour pas que j'oublie, je tiens à rappeler aux frères et aux sœurs qui nous suivent sur internet, Jazakumullahu khairan pour tous les frères et les sœurs qui envoient des présents à la mosquée. Que ce soit des cadeaux, comme qu'a dit Alayhi Sussam, tahadu tahabbu. Offrez-vous des présents, Allah Azza wa Jalla va mettre l'amour entre vous. Ici, il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ont envoyé beaucoup de présents pour les frères ici à la mosquée, bref, et pour des personnes. Ala kulli hal, Jazakumullahu ala kulli khair. On ne vous oublie pas dans nos dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous réunisse avec le prophète Muhammad alayhi abdallu salat wa skat taslim dans son paradis et plus particulièrement dans l'endroit qui est Al-Firdaus al-A'la. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse et vous fasse à tous et toutes miséricorde. Inna huwa li wa dhalika wal qadiru alayhi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.